kambo. We amuna singa misiame wambu samdongo une. Kinge nye kwala. Nongo janga meme. Amuna o, amuna o. Kana wase timbi no bena. Ba utu sedu, ba turu sedu. Nyola ni kane edu we onwe titi no bae. Nongo janga mene wo. Ola mutu dange dube. Oba mu bongo e. Mola mutu danga dube, oba mu bongo e. Mola mutu danga dube, oba mu bongo e. Mola mutu danga dube, oba mu bongo e. Sema, where di Bombay? Basan mamiolo une Tete tete me botte di na fumo di mama bono mongo Tete tete lu Tete tete me botte di na fumo di mama bono mongo Tete tete lu Amuna o amuna o Amuna o, amuna o. Ils sont allés jusqu'à dire que le respect est mutuel. Des marines bien attendent des moutons de Polango et si Boyonga ou Tobonia. Pola moutou d'Angre Doubé, Douba en Bongoé. Tout dans le doubé, bon bon boy. Singer. dernier cas mon amour. Ah ouais, ah ouais, et ah ouais, ouais, oh. Yeah.